ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rimmel, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. La rue qui chante l'été est venue, n'oublie pas l'hiver brutal. Et les blessures que l'on ne voit plus lui font encore bien mal. Tant d'espérance tout à coup balayée par un vent de folie. Tant d'innocence tout à coup étonnée d'implorer le sursis. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non, mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. Quand un orage assombrit le ciel, il faut que tombe la pluie avant de retrouver au soleil l'envie d'aimer la vie. Tous ces liens qui ont tressé la chaîne qui tenait le bateau, ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai nos berceaux. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié, et je n'oublierai jamais. Mais aujourd'hui, vous et moi, rien changer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Mais aujourd'hui, vous et moi ne pouvons rien changer. Non.